بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc alhamdoulillah, on poursuit inshallah notre introduction concernant les durus de nawaqid al-islam, les annulatifs de l'islam. On avait expliqué lors du dernier cours la définition de la mécréance chez les gens de la sunna. Et on avait dit qu'il nous restait des textes à lire, notamment un texte important qui est un paragraphe du livre As-Salah wa Hukmu Tarikiha, la prière et le statut de celui qui la délaisse, de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Donc on va lire ce paragraphe là qui est assez long mais très intéressant parce qu'il va nous donner beaucoup de fondements des gens de la sunna. Et ces fondements là il faut se les répéter afin de les intégrer, car ils vont nous aider bi-iznillah azawajal à la compréhension ensuite des nawaqid et des annulatifs cités par le Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahab. Ensuite on lira aussi deux réponses qui ont été données à des questions que l'on trouve dans le livre de l'imam Al-Hakami, Al-Hafid Al-Hakami, A'lam al-Sunnat al-Manshura. C'est un livre qui est traduit en français sous le titre, il me semble, de 200 questions-réponses dans la croyance. 200 questions-réponses dans la croyance de Al-Hafid Al-Hakami. Donc on lira des paroles de Al-Hafid Al-Hakami, et elles sont importantes parce qu'elles ont été incomprises par certains aujourd'hui, et on verra comment est-ce que l'incompréhension parfois simplement d'une parole d'un savant peut avoir un impact très important sur la aqida des gens et parfois même sur le devenir d'une umma, de toute la communauté. Car lorsqu'il y a une faille qui apparaît dans la aqida, ça a un impact sur le reste. C'est un impact sur l'alliance et le désaveu, car on va s'allier parfois à des mouchriquines pensant qu'ils sont musulmans, à des associateurs pensant qu'ils sont musulmans. On va reconnaître des gouverneurs comme étant musulmans alors qu'ils ne sont pas. On va être contre des gens qui font partie de la sunna pensant qu'ils ne sont pas musulmans. Et donc les impacts, hein, des lacunes au niveau de la aqida sont vraiment, vraiment, vraiment importants. Donc la maîtrise de ce qu'on appelle al-haqa'iq al-shar'iyya, les réalités, les définitions législatives, c'est une science dont il faut prendre soin. Et ces définitions-là, elles se prennent des grands savants, des gens qui sont connus comme étant des références dans ce domaine-là. Il dit, rahimahullah, donc là on va lire un paragraphe de l'imam Ibn al-Qayyim, donc dans son livre La prière et le statut de celui qui la délaisse. Donc on va lire doucement, on se concentre et on va essayer de traduire cela bi-iznillahi azawajal, et notamment de s'arrêter dans les grandes règles qui différencient les gens de la sunna des murji'a ou bien des khawarij. Il dit faslun, donc chapitre fil hukmi bayna al-fariqayn wa fasl al-khitab bayna al-ta'ifatayn. Donc là il est en train en fait d'argumenter par rapport au statut de celui qui délaisse la prière. Ce livre, il a été écrit donc pour statuer de celui qui délaisse la prière, est-ce qu'il est mécréant ou non. Donc dans toutes les pages qui précèdent ce paragraphe là il a apporté donc l'avis des savants qui disent qu'il n'est pas mécréant et l'avis de ceux qui disent qu'il est mécréant avec les arguments de chacun. Et ici donc dans ce chapitre là il dit que là c'est le chapitre tranchant entre les deux camps et qui démontre qui est dans la vérité. Et on va voir que ce chapitre justement qui est tranchant entre les deux camps, il est fondé sur la définition de la foi, et il veut démontrer à partir de cela que la définition de la foi, hein, et à la lumière des hadiths montrant le statut de celui qui délaisse la prière, ben on arrive à la conclusion que celui qui la délaisse est mécréant. Il dit ma'rifatu as-sawab fi hadhihi al-mas'alati mabniyun 'ala ma'rifati haqiqati al-iman wal-kufr. Il dit la connaissance donc de la vérité dans cette notion qui est le statut de celui qui délaisse la prière est fondée sur la connaissance de la réalité de la foi et du kufr. Il n'a pas dit de la réalité de la foi, point. Et il n'a pas dit de la réalité du kufr, point. La réalité de la foi et du kufr. Car une personne qui connaît normalement la foi dans sa définition législative et qui la donc connaît parfaitement, implique, cela implique qu'il va connaître le kufr, donc de manière parfaite, bi-iznillah azawajal. Et vice-versa. Donc la connaissance de la foi implique qu'on connaisse le kufr de manière authentique. Il dit ثم يصح النفي والإثبات بعد ذلك. Ensuite, donc il sera authentique de dire que celui qui délaisse la prière est musulman ou bien ne l'est pas. Donc une fois qu'on aura réellement compris la réalité de la foi et de la mécréance. Il dit فالكفر والإيمان متقابلان إذا زال أحدهما خلفه الآخر. Il dit la foi et la mécréance, il dit ce sont deux contraires. Ils sont l'un en face de l'autre. Lorsque l'un s'en va, l'autre prend sa place. Ça, c'est un fondement dont il faut se rappeler. Lorsque la foi est présente, la grande mécréance est obligatoirement absente. Lorsque la grande mécréance est présente, la foi est obligatoirement absente. On l'avait vu ça dans les paroles de l'imam Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab, que الشرك والكفر ضدان لا يرتفعان ولا يجتمعان. Le kufr et la foi, ce sont deux contraires, ils ne peuvent pas se réunir. Là on parle de la grande mécréance, du grand shirk. Ils ne peuvent pas se réunir, la foi et le shirk, mais aussi ils ne peuvent pas disparaître. Une personne obligatoirement elle est soit mécréante, soit elle est musulmane. Allah Azza wa Jal dit dans surat At-Taghabun هو الذي خلقكم فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. C'est lui qui vous a créé, il y a parmi vous des mécréants et des croyants. Il dit وَلَمَّا كَانَ الْإِيمَانُ أَصْلًا لَهُ شُعَبٌ مُتَعَدِّدًا وَكُلُّ شُعْبَةٍ مِنْهَا تُسَمَّى إِيمَانًا فَالصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصِّيَامُ. Il dit et puisque la foi est un fondement, est une base qui a des branches diverses, comme on avait vu. La foi, ce n'est pas quelque chose qui n'est pas complexe. Comme disent les murji'a, c'est simplement le tasdiq, la croyance dans le sens linguistique et non pas législatif. La croyance, donc la confirmation de l'information par le cœur. Chez Jahm ibn Safwan, ça c'est la foi. Chez Al-Karramiya, la foi c'est la prononciation par la langue. Prononcer la ilaha illallah avec la langue, ça c'est la foi chez eux. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, puisque la foi c'est un fondement qui a plusieurs branches, donc contrairement à ce qu'on a vu auparavant comme secte qui disent que c'est un seul bloc, chez les Ahl-Sunna c'est un fondement qui a plusieurs branches. Il dit, kul wa kulu shu'batin minha tusamma iman, et toute branche qui prend naissance sur ce fondement-là s'appelle aussi iman. C'est de la foi. Il dit فَالصَّلَاتُ مِنَ الْإِيمَانِ. La prière fait partie de la foi. La zakat fait partie de la foi. Le hajj fait partie de la foi. Et le jeûne fait partie de la foi. Donc là, c'est les paroles d'Ibn al-Qayyim. Je rajoute moi. Donc toute bonne action fait partie de la foi. Se passer le siwak, ça fait partie de la foi. Laisser pousser sa barbe, ça fait partie de la foi. Na'am. Couvrir ses parties intimes, ça fait partie de la foi. Visiter un malade, ça fait partie de la foi. Lire le Coran, ça fait partie de la foi. Faire une sadaqa, une aumône, ça fait partie de la foi, qu'elle soit obligatoire, qu'elle soit surrogatoire. Se lever la nuit, prier, ça fait partie de la foi. Toute bonne action est une branche de la foi. Il dit وَالْأَعْمَالُ الْبَاطِنَةُ كَالْحَيَاءِ وَالْتَوَكُّلِ وَالْخَشْيَةِ مِنَ اللَّهِ وَالْإِنَابَةِ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْتَهِ هَذِهِ الشُّعَبُ إِلَى إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. Il dit et les actes intérieurs, comme al-haya, la pudeur, wa tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah, placer sa confiance en Allah, wal khashyatu min Allah, et la crainte d'Allah, wal inabatu ilayh, et le retour à lui. Il dit jusqu'à ce qu'on termine à la branche qui est le fait d'enlever quelque chose qui dérange du chemin, il dit tout cela est une branche parmi les branches de la foi. Donc on a des actes extérieurs qui ont été cités par Ibn al-Qayyim, comme la prière, le hajj, le siyam, et on a aussi, il a dit, des actes intérieurs, comme la pudeur, s'en remettre à Allah, etc. Il dit ensuite, rahimallah, wa hadhihi shu'ab minha ma yazulu al-iman bi zawaliha ka shu'bati ash-shahada. Et il dit, et parmi ces branches, il y a des branches qui, lorsqu'elles disparaissent, impliquent la disparition de la foi. Il dit, comme ash-shahada, comme l'attestation de la foi. On a dit absence d'attestation de la foi, l'absence de shahada implique l'absence de la foi de manière totale. Sauf dans deux cas, al-ikrah, le contraint, et le muet. Mais à la base, C'est une disparition qui implique la disparition totale de la foi. Il dit, وَمِنْهَا مَا لَا يَزُولُ بِزَوَلِهَا كَتَرْكِ إِمَاطَةِ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ. Il dit, et il y a aussi des branches qui, lorsqu'elles disparaissent, n'impliquent pas la disparition de la foi, comme le fait donc de ne pas enlever l'obstacle de la route. Celui qui n'a pas cette branche de la foi, est-ce qu'il perd la foi de manière complète? Non. Il dit, وَبَيْنَهُمَا شُعْبَةٌ مُتَفَاوِتَةٌ تَفَاوُتًا عَظِيمًا. Et il dit, et il y a entre ces deux branches-là, donc la shahada et le fait d'enlever l'obstacle de la route, il dit, il y a beaucoup de branches qui sont de niveaux différents. Il dit, مِنْهَا مَا يُلْحَقُ بِشُعْبَةِ الشَّهَادَةِ وَيَكُونُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ. Il dit, il y a des branches qui rejoignent la shahada et qui sont plus proches de celle-ci, donc qui tendent vers le fait d'être un pilier, une obligation. Et il dit, وَمِنْهَا مَا يُلْحَقُ بِشُعْبَةِ إِمَاطَةِ الْأَذَىٰ وَيَكُونُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ. Il dit, et il y en a qui rejoignent la branche qui consiste à enlever l'obstacle de la route et qui sont plus proches de celle-ci. Donc entre la branche la plus extrême, la plus supérieure qui est la parole « ilaha illallah » et la moindre, la plus inférieure qui est le fait d'enlever l'obstacle de la route, il y a différentes branches qui sont de différents niveaux. Certaines sont plus proches de la ilaha illallah et d'autres sont plus proches du fait d'enlever l'obstacle du chemin. Il dit « wa kadhalika al-kufru ». Il dit « et de même la mécréance ». Donc là, il a terminé ses explications sur l'iman, il va revenir dessus. Et là, maintenant, il passe à la mécréance. Il dit « wa kadhalika al-kufru zu aslin wa shu'ab ». Il dit « et de même la mécréance possède une base et des branches, des ramifications ». Il dit « fakama anna shu'ab al-imani iman fa shu'ab al-kufri ». Il dit de même, comme les branches de la foi sont de la foi, les branches de la mécréance sont de la mécréance. Donc je m'arrête, je pose une question. Donc, toutes les branches de la mécréance, on peut les définir par quoi? Par un mot. Ce sont les? Les? Non, mais un mot plus général. On a dit que toutes les bonnes actions sont les branches du iman. Donc les branches de la mécréance, ce sont les péchés. Tous les péchés. Tous les péchés. Un péché est une branche de la mécréance. Et une bonne action est une branche de la foi. Ça ne veut pas dire que tout péché est de la mécréance, de la grande mécréance faisant sortir de l'islam. Comme on va le voir. Ça, c'est justement le madhhab des Khawarij. Il dit, « وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ » Il dit, « la pudeur est une branche de la foi. وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعْبِ الْكُفْرِ » Et le manque de pudeur est une branche parmi les branches de la mécréance. Il dit « وَالصِّدْقُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ » La véracité, c'est une branche parmi les branches de la foi. Il dit « وَالْكَذِبُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ » Et le mensonge, qui est donc le contraire du sidq, de la véracité, et le mensonge est une branche parmi les branches de la mécréance. Il dit « وَالصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحَجُّ وَالصِّيَامُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ » Il dit « et la prière, et la zakat, et le hajj, le pèlerinage, et le jeûne sont des branches parmi les branches de la foi. » Il dit « وَالتَّرْكُهَا مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ » Et leur délaissement, donc le délaissement de la prière, le délaissement de la zakat, le délaissement du jeûne, sont des branches parmi les branches de la mécréance. Il dit « وَالْحُكْمُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ » Et jugé par ce que Allah a descendu, fait partie des branches de la foi. وَالْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ. Et le fait de juger par autre que ce qu'Allah a descendu fait partie des branches de la mécréance. وَالْمَعَاصِي كُلُّهَا مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ. Il dit donc, là il rapporte maintenant, après avoir illustré par des unités, maintenant il apporte la règle générale, il dit وَالْمَعَاصِي كُلُّهَا مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ. Tous les péchés font partie des branches de la mécréance. كَمَا أَنَّ الطَّاعَاتِ كُلُّهَا مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. Il dit toutes les adorations, toutes les obéissances font partie des branches de la foi. Ces fondements sont importants, ils sont compris. Tous les péchés font partie de, sont des branches de la mécréance. Sont des branches de la mécréance. On ne dit pas que tous les péchés sont de la mécréance. Parce que quand on dit tous les péchés sont de la mécréance, la base dans la mécréance, c'est qu'on définit, on définit par la grande. Mais tous les péchés sont des branches de la mécréance. Toutes les obéissances, les adorations, les bonnes actions sont des branches de la foi. Il dit « وَشُعَبُ الْإِيمَانِ قِسْمَانِ » Et les branches de la foi sont de deux catégories. قَوْلِيَّةِ wa fi'liya. Là, on révise, hein, on l'a vu tout ça. Qawliya, donc certaines sont de la parole, wa fi'liya, et d'autres sont des actes. Wa kadhalika shu'abul kufri naw'an. Et de même, les branches de la mécréance sont de deux types, qawliya wa fi'liya. Il y a des branches de la mécréance qui relèvent de la parole et d'autres qui relèvent des actes. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها يوجب زوالها زوال الإيمان. Il dit, et parmi les branches de la foi, de la parole, donc il dit parmi les branches de la foi qui relèvent de la parole, il dit, il y a une branche qui, lorsqu'elle disparaît, elle implique la disparition de la foi. Il dit, فكذلك, quelle est-elle? La ilaha illallah. Il dit, فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. Il dit, et de même, parmi les branches de la foi en acte, hein, il y en a qui, lorsqu'elles disparaissent, impliquent la disparition de la foi de manière totale. Il dit, وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. Et de même, concernant les branches de la mécréance, en termes de parole et d'acte. فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعب فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف فهذا أصل. Il dit, tout comme il mécroit, donc là il parle de sortir de l'islam, il dit c'est faire de la mécréance, de la grande, là il parle, il dit tout comme la personne donc mécroit et dans la mécréance en faisant, en prononçant une parole de mécréance, par choix, comme insulter Allah, insulter le prophète, insulter le Coran, par exemple, il dit ceci est une branche, donc parmi les branches de la mécréance. Il dit de même, tout comme il sort de l'islam, tout comme il entre dans la mécréance par une parole, hein, qu'il fait de manière volontaire, de même, il entre dans la mécréance en faisant une branche parmi les branches de la mécréance en termes d'acte. Il dit comme le fait de se prosterner pour la statue, ou bien mépriser le mushaf, donc le rabaisser en l'écrasant, en faisant quelque chose de en rabaissant le mushaf, il dit فَهَذَا أَصْلٌ. Il dit ceci est un asl, ceci est un fondement, donc il faut le retenir. Quel est le fondement cité ici par Ibn al-Qayyim? Surtout par rapport à l'analogie qu'il a faite. Tout comme tu sors de l'islam, tout comme tu entres dans les mécréances en faisant telle chose, tu sors aussi de l'islam, tu entres dans les mécréances en faisant autre chose. Je veux que vous complétiez ces deux phrases-là. On peut rentrer, on peut sortir de l'islam. Parce que la première, elle est quasiment pas cause de divergence, notamment avec ceux qui sont atteints d'irja aujourd'hui. Tout comme on rentre dans la mécréance par des paroles. Naam. On peut rentrer dans la mécréance par des actes. Très bien, on le retient ça. On le retient. Parce que des gens le lisent, le marquent dans leur livre, mais lorsqu'ils arrivent dans l'application, ils ne l'appliquent pas. Donc tout comme tu peux sortir de l'islam par une parole, tu peux sortir de l'islam par un acte. Ça c'est un asl, un fondement, on le retient. Il dit ensuite, وَهَهُنَا أَصْلٌ آخَرٌ. Et ici, un autre fondement. رَحْمَتُ. Il dit, وَهُوَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ. Il dit, c'est que donc la foi, dans sa réalité, elle est composée de paroles et d'actes. Ça aussi, c'est un autre fondement. La foi, ce n'est pas que des actes. La foi, ce n'est pas que des paroles. C'est des paroles et des actes. Il dit, وَالْقَوْلُ قِسْمَانٍ. Donc là, on est en train de tout revoir ce qu'on a dit. Il dit, et la parole est de deux catégories. قَوْلُ الْقَلْبِ وَهُوَ الْإِعْتِقَادِ. La parole du cœur, et c'est la croyance. Et c'est la croyance. Et wa qawlul lisani, donc la croyance dans quel sens? Quand on dit l'i'tiqad, c'est ce que tu crois dans ton cœur, on avait dit. Comme confirmation d'information t'étant venue. Muhammad est le messager d'Allah, c'est une croyance. D'accord? Le Coran est le livre d'Allah, c'est le dernier des livres descendus, c'est le seul livre qui doit être appliqué aujourd'hui. Ça aussi c'est une croyance qui se trouve dans le cœur. C'est une parole du cœur. Donc ce n'est pas à confondre avec le mot croyance qu'on traduit, qu'on donne comme traduction de iman, de la foi dans la législation, dans le sens législatif. Donc il dit, la parole est de deux catégories, la parole du cœur et c'est la croyance, وَقَوْلُ اللِّسَانِ وَهُوَ التَّكَلُّمُ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ. Et la parole de la langue, et c'est le fait de prononcer la parole de l'islam. Donc la plus grande des paroles qui est la shahada, et ensuite toute parole qui est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, c'est une parole de la langue. Alhamdulillah, c'est une parole de la langue. C'est de la foi, ça, c'est du iman? Oui, c'est du iman. Il dit wala amalu qisman. Et les actes sont de deux catégories. Il dit amalul qalbi, dit les actes du cœur, wa huwa niyyatuhu wa ikhlasuhu, et c'est l'intention et le ikhlas, la sincérité. Ici, il illustre par les actes mères, par les actes principaux. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'intention et le ikhlas. Mais ça, ce sont des piliers sans lesquels il n'y a pas de foi. S'il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de ikhlas, il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de foi. Mais ce n'est pas à titre exhaustif qu'il est en train de dire ça. Il y a d'autres actes du cœur. Il dit donc les actes sont de deux catégories. Les actes du cœur, il dit « wa amalul jawarih » et les actes donc des membres, les actes du corps. « فَإِذَا زَالَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةُ زَالَ الْإِيمَانُ بِكَمَالِهِ » Si ces quatre s'en vont, lesquels les quatre? Quels sont ces quatre? Parole du cœur, parole de la langue. Parole de la langue. Parole du acte, acte. Tu as dit deux paroles, maintenant il faut deux actes. Acte du cœur. Acte du corps. Et acte du corps. Lorsque ces quatre disparaissent, il dit la foi disparaît de manière totale. La foi disparaît de manière totale. Il dit ensuite وَإِذَا زَالَ تَصْدِيقُ الْقَلْبِ لَمْ تَنْفَعْ بَقِيَّةُ الْأَجْزَاءِ. Il dit et si la croyance, entre guillemets, dans le sens linguistique, c'est-à-dire le fait de croire à une information extérieure, c'est dans ce sens-là. Il dit, si la croyance du cœur s'en va, il dit le reste, donc les trois parties restantes, qui sont actes, avant d'arriver aux actes du corps, actes du cœur, parole de la langue et actes, bon, ces trois parties, s'il n'y a pas de croyance au niveau du cœur, il n'y a pas de parole du cœur, de croyance, est-ce qu'il y a foi? Est-ce qu'il y a foi? Il n'y a pas foi. Il n'y a pas de hymen. La personne est dans la mécréance. Il dit, si jamais la croyance du cœur s'en va, le reste, donc des parties, ne sert à rien. Il dit, فَإِنَّ تَصْدِيقَ الْقَلْبِ شَرْطٌ فِي اَعْتِقَادِهَا وَكَوْنِهَا نَافِعَ. Il dit, car la croyance du cœur est une condition dans le fait que le reste des parties soit donc profitable, qu'elle serve à quelque chose. Il dit وَإِذَا زَالَ عَمَلُ الْقَلْبِ مَعَ اَعْتِقَادِ الصِّدْقِ فَهَذَا مَوْضِعُ الْمَعْرَكَةِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَأَهْلِ السُّنَّةِ. Il dit et si jamais les actes du cœur, si jamais les actes du cœur soient attentifs, si jamais les actes du cœur s'en vont et que la croyance du cœur reste, qu'est-ce qu'il veut dire par croyance du cœur? Il a dit actes du cœur, les actes du cœur partent, la croyance du cœur reste. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, qu'est-ce qu'il veut dire par croyance du cœur? Un synonyme, une expression synonyme. Parole du cœur. Parole du cœur, parole. Non, tawakkul, c'est acte du cœur. Il dit, c'est les actes du cœur s'en vont. Les actes du cœur s'en vont. Il dit, avec l'i'tiqad du sitre, avec la croyance de la véracité. C'est-à-dire, croire aux informations du Coran et de la Sunna. Croire aux informations apportées par Allah et au prophète. Si jamais ça, c'est présent, mais qu'il y a absence des actes du cœur. Il dit que ici a lieu la bataille avec les Mourji'a, entre les Mourji'a et les Ahl Sunna. C'est ici qu'a lieu la bataille. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Il dit فَأَهْلُ سُنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى زَوَالِ الْإِيمَانِ وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ التَّصْدِيقُ مَعَ انْتِفَاءِ عَمَلِ الْقَلْبِ وَهُوَ مَحَبَّةُ وَانْقِيَادُهُ كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. Il dit si jamais les actes du cœur s'en vont et que la croyance du cœur, la croyance dans le sens de rendre véridique des informations du Coran de la Sunna sont présentes. Il dit c'est ici qu'a lieu la bataille entre les gens de la Sunna et les Murji'a. Il dit ensuite, les gens de la Sunna sont en consensus, sont tous d'accord sur le fait que la foi disparaît lorsque les actes du cœur disparaissent. Lorsque les actes du cœur disparaissent, la foi disparaît complètement. Il dit, ils sont en accord unanime, Donc dans ce cas-là, la foi disparaît de manière totale, car disparition des actes du il y a eu disparition des actes du cœur. Il dit et que le tasdir, sa croyance intérieure, ne lui sert à rien si jamais il y a eu disparition des actes du cœur, qui est l'amour, il dit, et donc la soumission. Il dit comme cela n'a pas servi à Iblis, est-ce que Iblis il a démenti par le cœur en disant Allah n'existe pas, hein, Adam n'est pas un prophète, il n'y a pas de paradis et d'enfer. Est-ce que ça c'était la croyance d'Iblis? Non. Il dit de même Pharaon, est-ce que Pharaon il ne croyait pas par rapport à ses paroles du cœur? Non, il avait dans son intérieur cette croyance-là. Il dit de même le peuple de Pharaon et les Juifs aussi. Les Juifs, on a dit, Allah dit dans le Coran, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout comme ils connaissent leurs enfants. Donc les Juifs, lorsqu'ils disent avec leur langue, ce n'est pas un prophète, hein, c'est un menteur, etc., est-ce qu'ils ont cette croyance dans leur cœur? Non. Ils ont l'intime conviction que c'est réellement le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'ils ont perdu, eux? Les paroles du cœur ou les actes du cœur, les Juifs? Les actes du cœur. Voilà. Ils n'aimaient pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'aimaient pas le prophète, ils n'aimaient pas le Coran. Mais est-ce qu'ils croyaient que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, était un prophète? Non. Ils avaient cette croyance-là. Pas aussi forte et ancrée qu'un musulman. Mais ça, c'est l'absence d'actes du cœur qui a fait qu'ils étaient mécréants, et aussi les paroles qu'ils ont dit, bien sûr, et le fait qu'ils n'aient pas suivi le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il dit de même les associateurs qui croyaient en la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wassalam. Il y avait beaucoup d'associateurs qui adoraient les statues et qui savaient dans leur fort intérieur que Mohammed sallallahu alayhi wassalam n'est pas un menteur, n'est pas un sorcier, n'est pas un fou. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont été donc dans le kufr et voués à l'enfer? C'est parce qu'ils ne l'ont pas suivi. Donc leur croyance intérieure, comme quoi c'est vraiment le prophète d'Allah, ne leur a servi à rien. Il dit « Bel wa yuqirruna bihi sirran wa jahra ». Même ils confirmaient cela en secret et en public. Ils confirmaient cela en secret et en public que c'est vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme qui par exemple? Qui est-ce qu'on a qui même déclarait que c'était le prophète? Son oncle, Abu Talib. Il faisait même des poèmes, il a même fait un poème où il faisait l'éloge de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, je sais que tu es venu avec la meilleure des religions. Donc il croyait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un messager. Il disait, wayaqulun, et il disait, donc certains associateurs, il disait, laysa bikadib, ce n'est pas un menteur. Là je suis toujours dans la parole d'Ibn al-Qayyim. Walakin la natba'uhu. Mais on ne le suit pas. C'est là que leur mécréance a eu lieu. Et il dit, c'est pas un menteur, c'est vraiment un prophète. Le Coran, c'est le livre d'Allah, mais je ne suis pas. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, c'est certain qu'on pense être nos frères. Ils sont dans cette mécréance-là pour beaucoup. Tu dis, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le Coran, c'est haq, il y a le paradis et l'enfer. Tu veux prier? Non. Il ne veut pas prier. Mais si tu pries pas, il y aura telle chose. C'est où qu'il y a la faille? C'est au niveau de la parole du cœur? Au niveau des actes du cœur? Pourquoi est-ce qu'il ne prie pas? Est-ce qu'il est plein d'amour et de crainte d'Allah dans son intérieur? Non. Comme une voiture, tu mets le contact, elle ne veut pas démarrer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le GPS, il ne marche pas? Non, le GPS, il marche. Tu l'allumes et le GPS, il te dit, si tu vas à la telle ville, c'est par là, la troisième à droite, tu prends... Il y aura tant de kilomètres. La faille, elle n'est pas au niveau de la parole du cœur, du théorique. Elle est au niveau du cœur. Voilà, il est en réserve, il n'y a rien, il n'y a pas d'essence. Donc tu tournes la clé, tu tournes la clé. Il sait où il faut aller, mais il n'y arrive pas parce que dedans, il n'y a plus d'essence. Là, c'est pareil. C'est le cœur. Et au théorique, c'est bon. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète d'Allah, c'est le Coran, c'est le livre d'Allah, Allah existe. La ilaha illallah. Prie, il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les actes du cœur qui sont l'équivalent du carburant dans la voiture, eh ben, il n'y en a pas assez. Peut-être il y a quelques gouttes dans le réservoir, mais il n'arrive pas pour faire la salat. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a la foi. Donc c'est important de comprendre ces diverses catégories de mécréances. On revient aux paroles d'Ibn al-Qayyim. Il dit donc que les gens, les associateurs autant de prophètes, ils disaient ce n'est pas un menteur, mais on ne veut pas le suivre, on ne le suit pas et on ne croit pas en lui. Il dit ensuite, وَإِذَا كَانَ الْإِيمَانُ يَزُولُ بِزَوَالِ عَمَلِ الْقَلْبِ فَغَيْرُ مُسْتَنْكِرٍ أَنْ يَزُولَ بِزَوَالِ أَعْظَمِ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ. Il dit, si jamais la foi s'en va lorsque les actes du cœur s'en vont, il dit, il n'est pas étonnant alors, il n'est pas étonnant que la foi s'en aille, là il parle de la foi de manière totale, que la foi s'en aille lorsque le plus grand acte du corps s'en va. Quel est le plus grand acte du corps? La salate. Parce que là, il est dans l'argumentation pour démontrer que celui qui ne prie pas est un mécréant. Je répète en arabe, il dit « وَإِذَا كَانَ الْإِيمَانُ يَزُولُ بِزَوَالِ عَمَلِ الْقَلْبِ » C'est ce qu'il vient de démontrer avant. Si jamais la foi s'en va selon le consensus de Ahl Sunna, il n'y a que Jahm ibn Safwan qui disait que même si les actes du cœur s'en vont, tu es toujours croyant. Et d'ailleurs, ça ne faisait même pas partie de la foi pour lui. Il dit donc, si jamais la foi s'en va lorsque les actes du cœur s'en vont, quelqu'un il n'aime pas Allah, quelqu'un il s'en remet pas du tout à Allah, quelqu'un il n'est pas sincère dans son cœur avec Allah, même il croit en Allah, il croit qu'Allah est unique, il croit que c'est le seul à mériter d'être adoré, il croit au prophète Mohammed sallam dans les paroles de son cœur, dans les paroles de son cœur, c'est-à-dire en termes théoriques il a ça, mais au niveau des actes du cœur il n'a pas d'amour, de crainte, de sincérité, etc. Il n'est pas musulman. Il dit donc, si jamais la foi s'en va avec la disparition des actes du cœur, il n'est pas étonnant que la foi s'en aille de manière totale lorsque le plus grand acte du corps s'en va. Quel est le plus grand acte du corps? La prière. Il dit wala siyama idha kana malzuman li'adami mahabbati al-qalbi wa inqiyadihi alladhi huwa malzuman li'adami at-tasdiqi alladhi huwa malzuman li'adami at-tasdiqi al-jazimi kama taqaddama taqriruh. Il dit, et notamment si jamais cet acte donc du corps, cet acte du corps, il est une implication, il dit, de l'amour se trouvant dans le corps, dans le cœur, et de l'obéissance, l'inqiyad, se trouvant dans le cœur. On répète. Il dit, il n'est pas étonnant que la foi disparaisse complètement lorsque le plus grand acte du corps disparaît. Quel est le plus grand acte du corps? La salate. La salate. Il dit notamment si cet acte, il est une implication de l'amour se trouvant dans le cœur et de l'obéissance qui est donc contractée au niveau du cœur. Cet acte-là, c'est une preuve que dans ton intérieur tu aimes Allah, la salat, et que tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la salat, c'est une implication de celui-ci. Il dit, rahimahullah, il dit wala siyama idha kana malzuman li'adami mahabbati al-qalbi wa inqiyadihi alladhi huwa malzuman li'adami at-tasdiq al-jazimi kama taqaddama taqriru. Donc cet acte là du corps, cet acte du corps, il est une implication de l'amour et de l'obéissance que tu as au niveau des actes du cœur. Et il dit ces actes du cœur aussi, ces actes du cœur, ils sont aussi une implication de la croyance que tu as au niveau des paroles du cœur. Si jamais elles sont complètes, les paroles du cœur, tu crois vraiment que Allah est le seul et digne d'être adoré. Allah t'a créé, Allah t'a donné tous les bienfaits que tu as, Allah a repoussé de toi toutes les catastrophes qui ne te touchent pas. Tu vas revenir vers Allah, tu vas être jugé, yawm al-qiyama, un jour qui va durer 50 000 ans, sur l'atome de bien, sur l'atome de mal. Tu vas être jugé sur toutes ces choses-là. Toutes ces informations sont pour toi une réalité dans tes paroles du cœur. Il y a un paradis éternel réservé aux croyants. Il y a un enfer éternel réservé aux mécréants. Si jamais tu as cette théorie dans ton cœur, est-ce que ça doit donner naissance normalement obligatoirement à de l'amour d'Allah, de la crainte d'Allah, de la sincérité? Oui, oui. C'est pour ça que même ceux qui n'ont pas d'acte du cœur, ils ne sont pas équivalents dans leurs paroles du cœur aux véritables croyants. D'accord? Il y a quand même une faille au niveau des paroles du cœur. Car les véritables paroles du cœur, elles impliquent les actes du cœur. Et les actes du cœur, amour, crainte, intention, sincérité, s'ils sont dans le corps, dans le cœur, ils impliquent les actes du corps. Alors on s'appuie sur le verset d'Allah Azza wa Jalla dans sourate Ali Imran. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. وَيُحْبِبُكُمُ اللَّهَ. Et Allah vous aimera. Hassan al-Basri appelait ce verset Ayatul Imtihan, le verset de l'épreuve. Des gens ont prétendu l'amour d'Allah. Donc quel est La preuve qu'ils aiment Allah, c'est qu'ils suivent le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Mais quelqu'un dit, on a dans mon cœur, kanhab Rabbi, j'aime Rabbi, wallah, n'khaf min nar jahannam. Wallah, parfois je pense à jahannam, subhanallah, j'ai des frissons. Taïb tsalli? Non. Tsom? Non. Tu vois? Il fait pas un atome de bien. Et surtout, il n'a pas la salat. Donc, dans son intérieur, il n'a pas ce qu'il prétend par la langue. Car Allah l'a éprouvé par ce verset, dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc les actes extérieurs sont une preuve des actes du cœur. Ça c'est quelque chose d'important. Il dit ensuite, rahimahullah, il dit, فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ مِنْ عَدَمِ طَاعَةِ الْقَلْبِ عَدَمُ طَاعَةِ الْجَوَارِحِ. Il dit, il y a une implication qui est que l'absence donc d'obéissance du cœur implique une absence d'obéissance du corps, des membres du corps. Une absence d'obéissance du cœur, hein, elle est où l'absence d'obéissance du cœur? Au niveau des actes du cœur. Au niveau des paroles du cœur, c'est croire, affirmer ou infirmer. Il y a un verset du Coran qui vient à moi. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Ici là j'ai al-hayyu, ça c'est une qualité d'Allah. Al-qayyum, celui qui subsiste par lui-même. J'ai deux qualités. Comment je me comporte par rapport à ces deux qualités? Est-ce que je confirme ou j'infirme ou bien j'obéis ou je désobéis? Je confirme. Je confirme ou bien j'infirme. Soit je crois dans mes paroles du cœur ou bien je m'écrois. D'accord? Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit aqimu salah, faites la prière. C'est j'obéis ou je désobéis. D'accord? Par rapport aux informations, ce qu'on appelle al-khabar en arabe, les phrases donc affirmatives ou négatives, c'est je crois ou je crois pas. Mais par rapport au mode impératif, lorsqu'Allah dit fais ou ne fais pas, c'est soit j'obéis, soit je désobéis. D'accord? Naam. Soit j'obéis, soit je désobéis. Là, ici, qu'est-ce qu'il dit, rahmatullah alayh? Il dit, l'absence d'obéissance au niveau du cœur implique une absence d'obéissance au niveau donc des membres. Il dit, car si jamais le cœur avait obéi et s'était soumis, les membres auraient obéi et se seraient soumis. Donc il y a ce qu'on appelle « التلازم ». Interdépendance entre quoi et quoi? Répondez. Entre les actes du cœur et les actes du corps. Il dit, rahmatullah alayh, وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ طَاعَتِهِ وَانْقِيَدِهِ عَدَمُ تَصْدِيقِ الْمُسْتَلْزِمِ لِلطَاعَةِ وَهُوَ حَقِيقَةُ الْإِيمَانِ. Et il dit, l'absence donc d'obéissance du cœur implique, il dit aussi, rahmatullah alayh, il dit ça implique l'absence de tasdir, de croyance au niveau des paroles du cœur. Et quand ils disent absence ici, ça ne veut pas dire absence totale, qu'il n'y a rien dans le cœur. Ça veut dire que le niveau qui est présent n'est pas un niveau reconnu comme étant de la foi au niveau du shara. Et ça, on trouve beaucoup ces paroles chez Ibn Taymiyyah. Par exemple, il va dire que la salat implique l'absence d'amour dans le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro d'amour. Il peut y avoir un peu d'amour. Mais cet amour, sa présence et son absence sont pareils. Comme dans la voiture, une goutte d'essence, qu'elle soit là ou pas, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas démarrer et tu ne vas pas arriver à bon port. Donc, lorsqu'on dit absence, ça ne veut pas dire absence totale et absolue. Législativement, c'est une absence. Hein, car elle n'est pas reconnue donc comme étant utile, elle ne sert à rien, elle ne fait pas sortir la personne du kufr. Et il dit, et ceci est la réalité de la foi. فَإِنَّ الْإِيمَانَ لَيْسَ مُجَرَّدَ التَّصْدِيرِ. Il dit, la foi, ce n'est pas simplement la croyance au niveau des paroles du cœur. كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ. Comme nous l'avons démontré, il dit auparavant, وَإِنَّمَا هُوَ التَّصْدِيرُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلطَّاعَةِ وَالْإِنْقِيَادِ. Il dit, c'est la croyance qui implique l'obéissance et la soumission. C'est la croyance qui implique l'obéissance et la soumission. Il dit, وَهَكَذَا الْهُدَى لَيْسَ هُوَ مُجَرَّدُ laysa huwa mujarrad ma'rifati al-haqq wa tabayyunah. Il dit de même, la guider, ce n'est pas le fait de savoir la vérité et de la découvrir. Bal huwa ma'rifatuhu al-mustalzimatu li-ittiba'ihi wa al-'amali bi-mujibihi. Mais la guider, c'est quoi? C'est connaître donc le droit chemin, hein, mais c'est une connaissance qui implique le fait d'entreprendre ce chemin-là et de faire ce qu'il demande. Et ça, on l'avait vu dans l'Osso le Céleste, dans les trois fondements. Hein, quand on disait wa huwa ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah, wa ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifatu din l'islam bil adillah. C'est ces trois connaissances, la connaissance d'Allah, du prophète et de l'islam. Est-ce que c'est une connaissance identique à un professeur à la Sorbonne qui est mécréant, qui connaît l'islam de manière théorique mieux que nous, qui connaît le prophète de manière théorique mieux que nous, qui peut faire des cours de sirah qu'on n'est pas capable de faire, des cours sur le Coran, sur comment est-ce que le Coran est apparu, comment est-ce que le Coran a été transmis à chaque époque de chaque calife. Nous, on ne connaît pas souvent tout ça. Et lui connaît mieux que nous le Coran de manière théorique. Est-ce que c'est cette connaissance que visait Cheikh Mohamed Abdel Wahab dans les trois fondements? Non, on disait c'est la connaissance qui implique la pratique. De même, il dit ici la foi, ce n'est pas la simple croyance dans le sens linguistique, mais c'est la croyance qui implique l'obéissance et la soumission. De même, il dit Al-Huda, la guider, ce n'est pas simplement connaître le droit chemin, mais c'est connaître le droit chemin et le pratiquer, l'entreprendre. Il dit وَإِنْ سُمِيَ الْأَوَّلُ هُدَى فَلَيْسَ هُوَ الْهُدَى التَّامُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلِهْتِدَى. Il dit même si le premier est appelé guidé, il dit ce n'est pas la guidée complète qui implique donc d'être guidé. Tout comme la foi, donc le tasdiq, hein, il dit وَإِنْ سُمِيَ تَسْدِيقًا. Il dit tout comme la croyance, même si elle est appelée tasdiq, elle est appelée croyance, فَلَيْسَ هُوَ التَّصْدِيقُ الْمُسْتَلْزِمُ لِلْإِيمَانِ. Ce n'est pas la croyance qui implique la foi, le iman. D'accord? Donc la croyance d'Iblis, est-ce qu'elle impliquait la foi, l'iman? Est-ce que Iblis est un croyant dans le sens législatif? Non. Non, celui qui dit ça, c'est un kafir. Iblis, il est croyant, il est musulman. Non. Non, Iblis est un dans le kufr, on est d'accord ou pas? Oui. Mais est-ce qu'il croit au niveau des paroles du cœur? Est-ce qu'il a du tasdir? Paroles du cœur, oui. Oui. Iblis, si tu pouvais communiquer avec lui, lui dire, est-ce que Allah existe? Il va te répondre par quoi? Oui, est-ce que le paradis existe? Il a même juré, bi'izzatika, par ta puissance. Je vais tous les tromper. Je vais tous les prendre avec moi en enfer. Donc c'est bien qu'il croit en enfer. Donc il croit en enfer. Mais est-ce que c'est une croyance impliquant qu'il a pris le droit chemin? Non. Il connaît même le droit chemin, Iblis. Il connaît ou pas le droit chemin? Oui, parce que pour te faire dévier de ce droit chemin, il faut qu'il connaisse. Il sait que la salat, c'est bien, donc il te dit, fais pas salat. Il sait qu'être bon avec tes parents, c'est bien, donc il te dit, sois mauvais avec tes parents. Il sait que boire de l'alcool, c'est haram, il te dit, donc bois de l'alcool. Donc il t'interdit le bien et il t'ordonne le mal. Donc c'est une connaissance du bien et du mal, mais qui n'a pas impliqué la guider. Il n'est pas guidé. Donc il dit fa'alayka, écoutez ce qu'il dit. Fa'alayka, il te parle, Ibn al-Qayyim. Il dit fa'alayka bimuraja'ati hadha al-asli wa mura'ati. Il te dit tu dois prendre soin de réviser ce fondement-là et de prendre soin de lui. Il faut le réviser, ça. Mais c'est extrêmement important de lire ces paroles-là. On va s'arrêter là, bi'idhnillah azza wa jal. Et on continuera les paroles d'Ibn al-Qayyim. Et à la fin, on reviendra sur des paroles de l'Hafiz al-Hakami. Car elles ont donné vraiment, vraiment, vraiment des conséquences néfastes chez des frères qui ne les ont pas compris. Donc il faudra, bismillah, être présent pour les entendre, inshallah. On s'arrête là, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.